Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il y avait la rive gauche, il y avait la rive droite. Il arriva que la rive gauche se déplace sur la rive droite, mais peu importe ses considérations géographiques. L'important, c'était, pour Cora Vauquer, de travailler avec des amis, des gens qu'elle aimait, face à des gens, le public, qu'il aimait et qu'elle aimait. Alors, avoir une étiquette, faire partie d'une chapelle, non. La plus solitaire de toutes les artistes ou des actrices de ce métier. Elle n'appartenait à aucun cercle, à aucune chapelle, et le regrettait peut-être. La rive gauche, Cora Vauquer, au micro de Lucien Rioux, c'était le 15 novembre 1971 sur France Culture. Cora Vauquer, je voudrais aujourd'hui vous parler d'une période que vous avez vécue, dont vous avez été à la fois actrice et témoin, une période phase de la chanson française, c'était la période Rive Gauche. Qu'est-ce que ça a été, la période Rive Gauche? Vous me dites témoin, alors là, ça m'épouvante un petit peu toujours, parce que moi, j'ai débuté à l'échelle de Jacob. Je chantais juste à la radio à ce moment-là, et l'échelle de Jacob, il y avait Jacques Douai. Jacques Douai est tombé malade, et un jour, Robert Marcy m'a dit « Mais tu devrais chanter sur une scène, dans un endroit, devant du public. » Alors j'ai dit « Oui, mais où ? Je connais rien. » Et il m'a emmené à l'échelle de Jacob, et moi je chantais à l'échelle de Jacob. Pendant ce temps-là, il s'est passé beaucoup de choses tout alentour. Moi je chantais, donc j'étais contente. Et c'est après que j'ai appris tout ce qui se passait au tabou, et puis après la Rose Rouge. Parce qu'on a fait plein de spectacles dans Saint-Germain et partout. Il y avait l'Arlequin. On a monté des tas de spectacles de toutes sortes. C'est-à-dire que nous étions tous amoureux de chansons et de textes courts. Mais, d'après ce que je connais du spectacle, Agnès Capri avait fait avant nous tous ces genres de spectacles, ce qu'on appelle maintenant les cabarets-théâtres. C'était déjà ce que faisait Agnès Capri. Avant la guerre. Je crois que c'était avant la guerre que Agnès Capri avait un cabaret, qui s'appelle Agnès Capri, je crois, quelque chose comme ça. Avant la guerre. Et moi, j'ai connu Agnès Capri, et on a monté avec Raymond Bussière, mais alors après, un spectacle, il y avait Raymond Bussière, Reggiani, Jacqueline Bouvier, qui est Madame Pagnol, Jean Carmet, Mouloudji. On a monté un petit spectacle dans l'esprit Capri. C'est-à-dire que c'était une histoire que vous racontiez Non, il y avait un petit opéra bouffe, une pantomime. C'est-à-dire que l'opéra bouffe, c'était un petit texte qui était écrit. On avait demandé à Sauguet d'écrire une musique. Et puis, il y avait des chansons. Reggiani disait des poèmes. Il jouait les tribunaux comiques de Gilles Moineau. Je veux dire qu'il était extraordinaire. On jouait, enfin, plein de petits sketchs et on chantait, on disait des poèmes sérieux, tristes. Mouloudji était dans la peau d'un lion et il y avait Jenny Burnet qui jouait, elle, avec, qui était une actrice de théâtre, enfin, et qui était déguisée en dompteuse et qui chantait l'Hirondelle du Faubourg et Mouloudji mimait, enfin, tout à côté, comme ça. C'était un très joli spectacle. Et vous avez continué après ? Eh bien, après, alors là, je suis allée à l'échelle de Jacob. La guerre était finie, tout à fait. Et puis, j'ai chanté à l'échelle de Jacob. Et pendant ce temps-là, alors a commencé, après, la Rose Rouge, eh bien, je l'ai connue que longtemps après. Et puis, j'ai été très, très rive gauche, si on veut. Mais la première chose après, c'était l'Écluse. Oui. Et puis ensuite, chez Gilles, avenue de l'Opéra, qui s'appelle la Tête de l'Art, maintenant. Oui, chez Gilles, c'était, disons, la rive gauche transposée sur la rive droite. Oui, oui. Parce qu'on dit rive gauche, rive droite, comme on parle des caves, mais les caves ont toujours existé. C'était pas particulier à cette époque-là. Et en plus, c'était pas des caves, c'était des rez-de-chaussée. Oui. Vous avez aimé cette période? Ah oui, je regrette pour ceux qui viennent maintenant de ne pas connaître ces moments-là. D'abord parce que moi, quand j'ai débuté à l'échelle de Jacob, on débutait là Brel, Fernand Reynaud. Puis je ne peux pas vous dire parce qu'après je confonds, je mélange un petit peu avec l'Écluse parce que je crois que de l'Écluse après, il y a tout le théâtre, tout le musical, tout ce qu'on peut imaginer qui existe maintenant, je crois, a débuté là. Et puis c'était des débuts qui n'avaient pas l'air de débuts, c'était de toujours, c'était de tous les instants, de tous les moments. On était heureux de se trouver, on était heureux de chanter, on était heureux de tout ce qu'on faisait. Et puis, c'était pas important d'être connu ou pas connu, c'était en dehors de la question, enfin. De toute façon, nous avions l'esprit théâtre. Et l'esprit théâtre, c'est pas tellement être une célébrité, c'est faire des choses qu'on aime avec des gens qu'on aime. Et le public de ces cabarets? Ben, c'était ça. On faisait des choses qu'on aime avec des gens qu'on aime et devant des gens qui nous aimaient et qu'on aimait forcément parce que dès que les gens vous aiment, on les connaît pas, mais dès qu'ils vous aiment, on les aime. Et c'était un public extraordinaire car, alors, à l'échelle de Jacob, par exemple, je me souviens, d'abord, il y a tous les jours quelqu'un qui me dit « Oh, on venait à l'échelle de Jacob », mais il y avait des gens qui venaient une et deux fois par semaine. C'était fantastique. C'était un public de toutes sortes, d'instituteurs, d'industriels, de médecins, de commerçants, les gens qui aimaient les chansons et les acteurs. Il y avait un certain style de chanson dans le cabaret Rive Gauche. Je crois qu'on a dit ça parce que si on regarde, les programmes d'avant la guerre, c'était assez minable, il faut dire que c'était assez atroce. Il y avait surtout des chanteuses réalistes où les comiques, c'était épouvantable. Alors on l'a appelé Belle Époque, par exemple, avant, bien avant. Mais les chansons Belle Époque continuaient à fleurir et à faire la joie du public. Mais c'était épouvantable. Je me souviens de « Je n'attends plus rien, non, plus rien, ne me retiens, gère dans la vie comme un chien solitaire. » Et je crois que là, on a été très, très en réaction. Ça ne nous intéressait pas du tout de chanter ce genre de chansons. Mais est-ce que vous pouvez définir le style des chansons de la Rive Gauche? C'est très étrange parce que on nous a accusés à ce moment-là de chanter des choses difficiles. Mais comme on n'était pas plus malin que les autres, qu'on n'était pas plus cultivé, puisque ces chansons nous plaisaient et qu'il y avait un public qui aimait ces chansons, elles devaient être simples. Mais il suffit de mettre une étiquette et de raconter quelque chose pour qu'aussitôt ça prenne une autre forme. Mais bon, ben évidemment, il y avait, oui, les plus difficiles, peut-être c'était les chansons de Queneau et Ferré. Monsieur tout blanc, vous enseignez la charité bien ordonnée dans vos châteaux en Italie. Monsieur tout blanc, la charité, c'est très gentil. Mais qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi. Pendant ce temps-là, moi je vis à Aubervilliers. C'est un petit coin perdu au bout de la misère, où l'on n'a pas tellement de questions à se poser. Pour briefer, faut bosser, mon petit père. Monsieur tout blanc, l'oiseau blessé que chaque jour vous consommez était d'une race maudite. Monsieur tout blanc, entre nous, dites, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, vous vous taisiez. Pendant ce temps-là, moi je vivais à Aubervilliers. Ça n'était pas l'époque à dire des rosaires. Il y avait des tas de questions qu'il fallait se poser. Pour durer, faut lutter, mon petit père. Monsieur tout blanc, si vous partez un beau matin, les pieds devant, pour vos châteaux en paradis, Monsieur tout blanc, le paradis. C'est peut-être joli. Priez pour moi, moi, j'ai pas le temps, car je vivrai toujours à Aubervilliers, avec deux bras noués autour de ma misère. On n'aura plus tellement de questions à se poser. Dans la vie, faut s'aimer, mon petit père. Monsieur tout blanc, si j'enseignais la charité bien ordonnée dans mes châteaux d'Aubervilliers, monsieur tout blanc, ça n'est pas vous que j'irai trouver pour m'indiquer ce qu'il faut donner. C'était pas le style habituel. Mais quand j'ai chanté Les Feuilles Mortes la première fois, on m'a dit « Mais ça, on chante pas des choses pareilles, c'est pas une chanson, il n'y a pas de couplet, il n'y a pas de refrain. » Car, en fait, ils avaient... Nous, on n'avait pas d'idée, puisqu'on ne savait pas ce que c'était. Alors, une chanson bien faite, pour nous, c'était une chanson qui nous plaisait, qui avait une jolie musique et qui avait des paroles qui nous plaisaient. Mais pas forcément couplet-refrain. Tandis que dans le métier, c'était pas le show business, c'était le métier, il fallait le petit vin blanc, hein. Oui, c'est-à-dire une chanson bien ordonnée, obéissant à des règles. Et... Voilà, je pense. Et là, sans le savoir, on a rompu avec une certaine tradition. Je crois que c'est ça. On pratiquait beaucoup l'ironie dans les cabarets Rive Gauche. Ben, et vous savez, on est bien obligé d'être un petit peu ironique parce qu'il n'y a pas beaucoup de chansons drôles. Il n'y a pas beaucoup de choses drôles en soi. Et je m'en suis aperçue quand j'ai voulu, parce qu'on commence toujours par être tragique, sans aucun doute, et puis après on rêve de faire rire, car c'est vrai. Faire rire, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Entendre rire une salle, bien, hein, le bon rire qui guérit de tout, cette espèce de... la poitrine qui se dilate, enfin, vous savez qu'après, tout de même, après un moment de bon rire, on doit aller mieux. Quelqu'un de malade doit aller mieux, et un convalescent est tout à fait guéri. Il n'y a pas de doute, on doit guérir quelqu'un. Et puis... C'est une joie extraordinaire de faire rire, pas ces vilains spectacles où en sortant les gens sont tout à fait honteux d'avoir ri. J'en ai entendu quelquefois dire « oui, mais c'était bête ». Et donc ils en ont d'eux-mêmes d'avoir été pris, si vous voulez. Mais quelquefois on se laisse prendre aussi, hein, des choses qui ne vous plaisent pas tellement. Mais il y a une espèce de rire honteux. Mais moi je parle du bon rire, même le rire angoissé de De Vos. Oui, parce que c'est sûr. Tout de même pas un rire tellement rigolo. Le rire que Charlie Chaplin déclenche, c'est pas non plus un rire. Mais malgré tout, c'est ça, c'est cette ironie-là. C'est rire de ses malheurs. C'est se moquer un peu de soi. Et c'est là, quand j'ai voulu mettre des choses dans mon tour de chant plus drôle, je me suis caricaturée. Oui, je me souviens d'une chanson qui était une chanson tragique que vous chantiez, on dirait aujourd'hui que vous la chantiez au deuxième degré. C'était « Éloignez-vous, Ernest, éloignez-vous ». Oui, mais moi... Et oui, c'est vrai. Il faut trouver... Et il n'y a pas de chansons drôles. Ou alors des chansons de fantaisistes. Mais les gens comme moi ne peuvent pas chanter des chansons de fantaisistes. Une chanson qui n'est pas drôle en soi, comiquement, physiquement et caricaturalement, n'est pas drôle pour moi. Je ne fais pas rire avec une chanson qui peut, par exemple, convenir à Annie Cordy, qui est une fantaisiste. Il y a une grande différence. Oui, c'est un autre monde et un autre métier, j'ai l'impression. Je ne peux pas expliquer, je la trouve charmante. Mais moi, je ne serais pas drôle du tout, on ne rirait pas une seconde, on dirait « mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Je serais très ridicule. Et elle est charmante. Quand je me suis entendue parler la première fois, je ne me suis pas reconnue d'abord, bien sûr, comme j'ai ri. Et on m'a dit « c'est toi ». Et j'ai eu comme un vague malaise en même temps. J'ai compris qu'en effet, c'était moi qui parlais. Mais je dis « c'est parfaitement ridicule ». Ah, j'ai eu des jours et des jours à me remettre de cette épreuve horrible. Et puis après, j'en ai tiré une leçon, en ce sens que Ernest est sorti de là. Cette espèce de parodie très comédie française, et très oh, oh, comme ça, voilà. Je me suis moquée, la grosse dame aussi, enfin, c'est comme ça que je peux faire rire. Mais c'est pas me moquant des autres, et quelquefois ça me fait beaucoup de tort, ça. Parce que j'ai toujours l'œil qui rit un petit peu, même dans les moments tragiques, mais je ne ris jamais des autres, je ris de moi, je me dis, t'es encore dans un drôle de pétrin, ma pauvre vieille. Et alors ça me fait l'œil qui vrille, et puis c'est bien embêtant. Mais c'était un petit peu ça, notre esprit, je crois. C'était un petit peu, on se disait, allez, pof. On ne s'est pas pris beaucoup au sérieux. Vous avez connu les personnages de Saint-Germain-des-Prés? Non. Aucun? Non. Ni Vian, ni... J'ai connu, mais... Plus tard. Plus tard, beaucoup plus tard. Je vous dis, j'étais la plus solitaire, et je reste la plus solitaire de toutes les actrices ou les artistes de ce métier, parce que je n'ai appartenu à aucun milieu, aucun cercle, à aucune chapelle, à rien. Et ça me gêne beaucoup, je le regrette, car je faisais ce métier un petit peu parce que le théâtre, c'était comme une famille, j'avais choisi. Et encore maintenant. Alors je me retrouve avec les techniciens. Voyez-vous, la première fois à la télévision, j'étais terrorisée. Cette espèce d'animal, enfin, de métal, cette chose qui vous arrive black comme ça, très proche, parce qu'au début, c'était vraiment terrifiant. Et puis, il y a devant moi les câblemans, enfin, tous les gars qui étaient là, qui ont compris que je mourais de peur. Alors, ils m'ont dit, pour nous, Cora. Et de l'instant où je me suis adressée à des êtres humains qui étaient en face de moi, j'ai été sauvée. C'était fini, ça allait. Ce qui est curieux, c'est que vous étiez solitaire, mais qu'extérieurement, enfin moi je me souviens, j'écoutais la radio à l'époque, eh bien, disons qu'on fourrait tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire que, oui. Que Vian, Mouloudji, Cora Vauquer, Juliette Gréco, c'était le même monde, le même esprit, pas le même style, oui, parce oui. que chacun de ces personnages avait son style, enfin, et chacun avait sa valeur qui était réelle, mais c'était le même sac. Oui, pas tout à fait quand même. Avec Mouloudji, oui. Mais Gréco était tout de même une personne à part. Elle était quand même une personne en dehors. Nous, on a fait vraiment plein de trucs. On montait un petit spectacle qui durait des fois la soirée, et tout juste. Enfin, plein de choses absolument folles, dans des tas d'endroits extravagants. Pas des caves du tout, des espèces de granges, n'importe quoi. Enfin, Catherine Sauvage et tout ça, on a fait des spectacles qui n'ont rien à voir. On n'était pas du tout officiel. On était plutôt des francs-tireurs. Est-ce que vous croyez à une possibilité de renaissance de ce style? Parce qu'actuellement, il a un peu disparu. Vous savez, alors là, je ne saurais dire. Il y a toujours des époques, des pointes et puis des creux. C'est les vagues, ça. Mais je pense que si nous descendons, nous remonterons. Il y a un public, en tout cas. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le public est frustré pour le moment. Parce que justement, il y a, ce dont nous avons parlé d'autres fois, un autre monde à côté, en marge. Nous avons été en marge. Tout est faussé quand même. Parce que la chanson que nous chantons, encore certains d'entre nous, est très aimé d'un grand, grand public. Et il y a encore beaucoup de jeunes interprètes. Oh, il y a, c'est avant-hier, je répétais là une émission de télévision, et une petite jeune fille est venue s'asseoir près de moi, elle m'a dit, moi ce sont les vieilles chanteuses comme vous que j'aime. Elle m'a dit, non, enfin je ne peux pas dire ça, mais les plus anciennes, si vous voulez, si vous comprenez, parce que moi c'est ça que je veux faire. Et puis vous savez, je ne suis pas toute seule. Elle aimait la tradition comme vous? Voilà, elle aimait la tradition. Elle m'a dit, mais moi je suis un peu réaliste par contre, mais j'aime bien entendre les chansons que vous chantez. Il n'avait peur de personne, il n'avait peur de rien. Mais un matin, un beau matin, il croit voir quelque chose. Mais il dit, ce n'est rien. Et il avait raison avec sa raison. Sans nul doute, ce n'était rien. Mais le matin, ce même matin, il croit entendre quelqu'un. Il ouvrit la porte et il la referma en disant, personne. Il avait raison avec sa raison. Sans nul doute, il n'y avait personne. Mais soudain, il eut peur et il comprit qu'il était seul. Mais